Salut à vous tous et bienvenue à ce journal de la mi-journée de ce jeudi. Voici les grands titres. Recrudescence des cas positifs au coronavirus chez les rapatriés. En provenance de la RDC, le point focal du ministère de la Santé chargé des rapatriés se base sur 30 cas rapatriés ce mercredi, comparativement à moins de 10 cas enregistrés précédemment. Chaque 19 août, le monde célèbre la Journée internationale de l'aide humanitaire. À cette occasion, l'agence onusienne chargée de l'aide humanitaire au Burundi, au Tchad, montre à travers le communiqué sorti ce jeudi que plus de 2 millions de la population burundaise ont besoin de l'aide humanitaire cette année. Et dans la rubrique éducation, le manque d'enseignants qualifiés, celui des matériels didactiques, restait enregistré à certains établissements, surtout techniques, à régime d'internat en province de Kayanza. Cela est constaté au moment où la rentrée scolaire édition 2021-2022 approche. Les détails, c'est dans quelques secondes. C'est Afina Kizimana sur la mise en onde et la présentation. Vous retrouvez René Lamocho. Page santé pour débuter ce journal. 30 cas positifs au coronavirus ont été enregistrés sur près de 450 Burundais rapatriés ce mercredi en provenance de la RDC. Le point focal du ministère de la Santé chargé des rapatriés trouve que ces chiffres sont élevés comparativement avec des cas enregistrés pour les précédents convois qui étaient inférieurs à 10 cas. Le directeur général du rapatriement, insertion et réinstallation assure qu'il va en discuter avec les autorités congolaises chargées du rapatriement. Le point avec Moïse Misago. Arrivé au centre de transit de Gihanga en province de Bubanza, où sont accueillis ces rapatriés, ils sont admis au test de COVID-19. Dans ce centre, il y passe 72 heures, mais ceux qui sont testés positifs au coronavirus y passent plus de 3 jours. Docteur Antoine Sindaigaya, point focal du ministère de la Santé chargé des rapatriés, précise que des cas antérieurs enregistrés sont inférieurs à 10. Je ne dirais pas que les effectifs augmentent de jour en jour. C'est fermant au nombre des rapatriés qui rentrent. Ils sont nombreux maintenant qu'aujourd'hui, c'était 460. Les cas positifs, il y a une affaire de 30, mais les 30, on va les gérer ici, et dans les hôpitaux qui se trouvent tout autour. Je sais que dans 5 jours, ils seront déjà guéris. On recevait une affaire de 5, si nous multiplions maintenant par 10, qui viennent, le nombre que nous avons reçu aujourd'hui. C'est ça qu'on est en train de travailler avec l'OHCR pour savoir pourquoi le nombre a augmenté. Le directeur général du rapatriement, insertion et réinstallation au ministère de l'Intérieur reconnaît des cas positifs parmi les Burundais qui retournent au pays en provenance de la RDC. Nestor Menimana promet de se pencher à cette question dans une réunion de tripartite en cours de préparation avec les responsables du rapatriement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous observons beaucoup de cas positifs au COVID-19 pour les convois en provenance de la RDC. Ça aussi, ça sera un peu à traiter pour qu'en amont, le screening médical soit vraiment effectif. Et en aval, ici chez nous, vraiment, nous rassurons la communauté burundaise que il y a un traitement rassurant et pour éviter la propagation de ce virus dans les communautés. Nous lançons cet appel aux gestionnaires des camps des réfugiés de Rusenda d'organiser le screening d'une façon effective pour nous amener les cas négatifs et puis les cas positifs vont rester au cas jusqu'à ce que leur vie se normalise et tester négatif. Ils vont venir avec les autres. Docteur Antoine Sindaigaya, point focal du ministère de la Santé chargé des rapatriés, indique que parmi les 5 centres de transit que possède le pays, tout le matériel nécessaire pour le traitement des cas positifs pour les rapatriés est disponible. Ces Burundais sont traités et guéris, puis retournés dans leur communauté d'origine, poursuit-il. Merci Moïse. Les responsables de la province Karoussi s'inquiètent du relâchement de la population quant à l'observation des mesures barrières contre la COVID-19. Ces derniers jours, c'est au moment où 21 personnes testées positives se trouvent actuellement à l'hôpital Buhiga de la province pour une prise en charge et sont sous traitement. Ces malades font partie d'une trentaine de cas enregistrés. Cela a été dit ce mercredi, c'était lors d'une réunion de sécurité au chef-lieu de la province. Dans cette réunion de sécurité, des mesures de décourager certains comportements ont été prises par différents chefs. Des mesures contraignantes, surtout concernant la gestion des lieux publics, comme les marchés. Ils se sont convenus des amendes allant de 1 000 francs pour les gens surpris à entrer de se saluer en se serrant les mains ou s'embrasser à 10 000 francs pour le manque de matériel de lavage à savon ou désinfectant. Le journal continue sur Isanganiro. La pénurie du carburant récemment observée résultait de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement de ces produits aux stations-service. Éclaircissement donné par Leondas Sindaigaya, porte-parole du ministère de l'Hydraulique, Énergie et des Mines. C'était dans un point de presse animé ce jeudi. Il rassure toutefois qu'actuellement, la quantité du carburant et produits pétroliers dans les stocks des importateurs est suffisante. Suivez-le. La quantité de carburant, des produits pétroliers dans les stocks, les importations en cours, les produits en commande sont suffisants au niveau national. L'apparente pénurie qui s'observe sur le territoire résulte de quelques défaillances dans le circuit d'approvisionnement de ces produits. Une stratégie a été trouvée hier de commun accord avec les importateurs et cette stratégie prendra effet à partir de ce jeudi 19 août 2021. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines réitère ses remerciements aux intervenants dans le secteur et qui se comportent en patriotes dans la fourniture des produits pétroliers. Il invite du même coup l'administration territoriale et les forces de l'ordre ainsi que la population à rester vigilant pour bannir toutes sortes de fraudes qui pourraient survenir dans ce secteur-là. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines tranquillise encore une fois la population et que tout devra être fait pour que l'approvisionnement en carburant et produits pétroliers réponde à ses attentes et garantisse la poursuite de l'activité économique en toute quiétude. Page Société, les eaux du lac Tanganyika qui avaient inondé les maisons ces derniers jours de la zone de Gatumba ont aujourd'hui reculé. Cependant, les habitants des quartiers Mouchacha 1 et 2, qui sont parmi ceux qui ont été touchés par ces inondations, qui craignent le pire si rien n'est fait, vu que la saison pluvieuse approche. Le chef de zone Gatumba tranquillise qu'ils sont à l'œuvre, Arthur Kavaushi. C'est une sexagénaire rencontrée au quartier Mouchacha 1 où certaines maisons ont été abandonnées, les unes se trouvant encore dans l'eau et d'autres détruites. Là où il y a encore présence de cette eau, on y voit des gens qui pêchent les poissons qui viennent. C'est un des habitants rencontrés sur place, il nous fait l'état des lieux. Le problème de l'eau est encore là. Actuellement, le niveau a baissé, mais ça ne finira jamais. La plupart ont abandonné leurs maisons. Là-bas, à Mouchacha 2, ils ont laissé de belles maisons dans lesquelles ils ne vont plus habiter. Cependant, même si la situation est comme ça, cette population craigne le début de la saison des pluies qui est proche. On peut dire qu'avec le début de la saison des pluies, les gens vont encore une fois être inondés et fuir, car il n'y a pas moyen de se protéger. Vous voyez que l'eau est proche. Que le Dieu Tout-Puissant nous protège, car si cette eau se refasse surface, comme ça s'est passé, ce sera la fin de Gatumba. Hussein Nahetwa, chef de zone Gatumba, indique qu'avec l'appui du gouvernement, ils sont en train de voir comment protéger cette population. Nous tous nous sommes préoccupés par l'avenir des pluies, mais avec les préparatifs de l'administration zonale, avec la population, nous sommes prêts à commencer les travaux communautaires. Nous allons trouver de sable pour remplir les sacs, pour boucher là où il s'est observé des passages des crues de la rivière Oussise. L'administration rapporte que les quartiers où il y a encore présence de cette eau sont une partie de Mouchacha 1 et 2 ainsi qu'une petite partie de Gaharawe. Merci Kavawushi. Et plus de 2 millions de la population burundaise ont besoin de l'aide humanitaire cette année à l'occasion de la journée internationale de l'aide humanitaire. Célébrée chaque 19 août, l'agence onusienne chargée de l'aide humanitaire au Burundi, OCHA, précise à travers le communiqué sorti ce jeudi que depuis 2018, près de 270 Burundais ont été victimes du changement climatique. Sheila Irambona. La Journée mondiale de l'aide humanitaire rend hommage au travail des acteurs humanitaires à travers le monde. Elle a pour objectif de rendre hommage aux acteurs humanitaires tués pendant leur service. En 2021, les acteurs humanitaires souhaitent rappeler au monde entier que nous sommes pris dans une urgence climatique qui affecte des millions de personnes dans le monde et plus particulièrement les personnes les plus vulnérables. Au Burundi, les effets des changements climatiques ont un impact dévastateur sur les populations vulnérables et les acteurs humanitaires. Selon ce communiqué de l'OCHA, les inondations et les glissements de terrain, les vents violents et une pluviométrie imprévisible endommagent régulièrement les maisons, les écoles, les hôpitaux, les routes et les cultures et fragilisent davantage les conditions de vie des populations, tout particulièrement la situation nutritionnelle et alimentaire déjà précaire des plus vulnérables. Le Burundi est l'un des 20 pays au monde les plus vulnérables face aux effets du changement climatique. Depuis 2018, 445 désastres naturels ont affecté plus de 270 000 personnes au Burundi. Parmi elles, au moins 100 000 ont été déplacées. Pour cette journée mondiale de l'aide humanitaire, ils appellent les dirigeants mondiaux à tenir leur promesse de débloquer 100 milliards de dollars américains par an pour l'action climatique dans les pays en développement. Au Burundi, des financements supplémentaires sont encore nécessaires en 2021 pour répondre aux besoins humanitaires des plus de 2 millions de personnes, notamment ceux suscités par les désastres naturels liés au changement climatique. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h08, poursuivons ce journal par la page éducation, les préparatifs pour la rentrée scolaire édition 2021-2022 vont bon train en général aux écoles à régime d'internat à province de Kayanda. Toutefois, certains établissements scolaires, surtout techniques, enregistre le manque d'enseignants qualifiés, celui des matériels didactiques, comme précisé par certains directeurs de ces écoles, contactés par la radio Isanganiro, le point avec Patrick Sengeyumba. Comme nous l'ont indiqué les directeurs de ces écoles secondaires à régime d'internat en province scolaire de Kayanza, contactés, les matériels de l'existence de cuisine et les luses et matelas usés qui sont remplaçables tardivement est aussi l'un des défis auxquels fait face le bon fonctionnement de ces écoles. À côté de tout cela, frère Deis Wigrimana, directeur au Segatara, indique que le véhicule de l'école est en panne et garé depuis déjà plus de 10 ans, ce qui fait que l'école utilise beaucoup de moyens pour louer un autre qui le remplace. Au niveau de la direction du Segatara, l'on se dit inquiet également d'y manquer d'eau potable à cette école au moment où c'est dans deux semaines seulement qu'il est prévu la rentrée scolaire, précise le directeur du Segatara. Frère Deus Wigrimana demande au chargé de la régie communale des eaux à Gatara de réellement ce lycée en eau potable. Au lycée Moussema, le manque des enseignants qualifiés et les battements de l'école qui sont vieux, car d'après Timothée Irakoze, directeur de cette école, il date de 1948, sont aussi parmi les principaux défis auxquels fait face également le bon fonctionnement de l'école. Le lycée Kayanza et le lycée technique Maramza de leur côté, Juvenal Moniha Nguye, de même qu'Alain Duchimirimana, les directeurs à ces établissements scolaires, parlent du manque criant des enseignants qualifiés dans le domaine technique et l'insuffisance de certains des matériels didactiques. Pour faire face à ce problème lié au manque des enseignants, l'école fait recours aux enseignants vacataires, mais les encouragements se présentent comme un problème non moins important pour l'école, indique que le directeur du lycée Kayanza est celui du lycée technique Maranzia. Les directeurs des écoles secondaires à régime d'internat à Kayanza, tous convergent également sur la petitesse de la somme allouée au suivi des villes, d'après eux, la flambée des prix au marché. Ils demandent à toutes les parties prenantes à dépenser à la majoration. L'année scolaire 2021-2022 est prévue le 6 mois prochain si rien ne change. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. les élèves sont appelés à faire le test COVID-19 à la veille de la rentrée scolaire. Le clin d'œil du ministre de l'Intérieur, c'était ce mercredi dans une réunion qu'il a tenue à l'endroit des administratifs pour évaluer le travail de démolition des constructions anarchiques. Le ministre Gervais Ndirakobucha a aussi interpellé les administratifs à faire des sensibilisations pour que la population générale applique les mesures barrières puisque les effectifs des personnes testées positives ne cessent de monter au bain Nyonguru. Le ministre Gervais Ndirakobucha appelle les administratifs à continuer les sensibilisations pour que les administrés appliquent toutes les mesures barrières au COVID-19. À la veille de la rentrée scolaire, le ministre Ndirakobucha demande aussi aux élèves de se faire dépister. Je vous demande de refaire les sensibilisations pour appeler la population à se faire dépister. Celui qui se sentirait un quelconque symptôme doit faire le test. Ça ne coûte rien. Souvenez-vous aussi que nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. Les élèves doivent aussi faire des tests. Quant aux personnes exerçant les activités dans les lieux rassemblant plusieurs personnes, le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions leur demande de ne pas prendre à la légère les mesures barrières, surtout que les mesures d'hygiène préviennent aussi d'autres maladies. La hausse des cas positifs au COVID-19 fait parler d'elle depuis près d'un mois et surtout dans certains districts sanitaires du nord du pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page sécurité à présent, cette vache parmi lesquelles 5 volées la nuit de ce mardi en zone Wamba de la commune et province Burundi ont été retrouvés le soir de ce mercredi enfermés dans un ménage de la colline Sanzu, c'est en commune de Rutovu de cette même province. Selon des sources sur place confirmées par l'administration locale, Josette Ndaïkeza, administrateur de communal de Rutovu, informe qu'une vache a été aperçue broutant derrière le dit ménage. Les autres étaient à l'intérieur, mais la cheptaine du ménage est parvenue à fuir avec les présumés bandits après une réunion sécuritaire sur Sanzu. Une réunion au courant de laquelle il avait été décidé de surveiller tous les ménages de cette colline. Un fils de cette famille a été arrêté pour enquête au moment où les propriétaires de ces vaches sont déjà présents à Rutovu pour les récupérer. 3 des 5 vaches volées en province Lutana voisine de Bururi avaient déjà été abattues puis vendues selon l'administrateur communal de Rutovu. Le taux de latrinisation est encore faible en province Mungaro. Cela a un impact sur l'hygiène et l'assainissement de base, selon le gouverneur de cette province, colonel Gaspard Gassandwe. Au moment où ce mercredi a été lancé en commune Nyabihanga de cette province, une nouvelle approche dite assainissement total pilotée par la communauté, le gouverneur de cette province ainsi que les responsables du secteur de la santé trouvent que cela favorisera un changement de comportement et l'amélioration de l'hygiène. Laurent Dicoulion. Selon le gouverneur de la province Mwaro, colonel Gaspard Gassandwe, certains ménages, tout comme certains établissements publics et privés, ne disposent pas de latrines adéquates. Pour d'autres, la bonne utilisation de ces latrines reste très lacunaire. Il précise que selon une enquête sur l'hygiène faite au Burundi en 2014, le taux de couverture en assainissement de base en province Mwaro était de 15%. Le gouverneur de la province Mwaro dit qu'il y a donc une précarité de l'hygiène, car il y a certains qui cohabitent avec les animaux domestiques par peur de voleurs. Selon Dr. Emile Zoïsaba, médecin provincial ad intérim à Mwaro, des défis se remarquent encore dans cette province en matière d'hygiène et assainissement de base. C'est notamment l'insuffisance de latrines dans certains ménages et établissements publics et privés, la mauvaise gestion des déchets solides et liquides, l'utilisation des excréta humains comme fumure, sans respect des normes recommandées et d'autres. Ce mercredi, en commune de Nyabihanga a été lancée une nouvelle approche dite assainissement total pilotée par la communauté ATPC en sigle. Angélique Chicharayo, conseillère à la direction de promotion de la santé au ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida, a souligné que l'objectif de cette approche est d'éradiquer le phénomène lié au péril fécal sur les collines. Une évaluation est prévue à la fin du mois de décembre prochain. Les responsables administratifs et sanitaires dans cette province de Moaro disent que cette approche permettra le changement des mentalités et l'amélioration de l'hygiène. Depuis la commune de Nyabihanga, Laurent Dicorio, Radio Isanganiro. Merci Laurent. Page commerce, avant de mettre fin à ce journal, le prix de l'huile de palme a connu une enchère de 50% dans un espace temporel de 3 mois seulement dans la ville de Ruigi. Un quart d'un kilo qui a été acheté à un prix variant entre 700 et 800 francs en mai dernier et actuellement acheté à 1200 francs bout. Certains habitants de la province Ruigi disent qu'ils sont dans l'incapacité d'acheter ce produit et demande qu'il y ait réduction des grossistes de ce produit qui s'approvisionnent dans la région sud-ouest du Burundi. Disent que l'huile de palme est actuellement rare même dans cette région, ce qui est à l'origine de sa cherté. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Serafina Kidimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Cornelia Mucho.